Alors pour commencer, nous avions souhaité projeter un premier document qui est un extrait d'un reportage de FR3 Franche-Comté sur le tournage de la série Le Lion, la cage et ses ailes, donc sur le tournage à Montbéliard, notamment une prise de parole, je crois, Hélène d'Armangatti. Et c'est un reportage qui date de mars 1975, donc c'est vraiment les tout débuts de l'expérience. C'est qu'un film, un long métrage de fiction est faisable par tout le monde. Alors, nous voulons le prouver absolument parce que c'est un domaine interdit qui n'appartient qu'à une catégorie, la catégorie référentielle des Marcoulins. Et ça n'est jamais sorti de cette haute idéologie. Alors là-dessus, nous pensons que partant d'une population, ici le cas ici c'est Montbéliard, une population ouvrière, bon, qui a des préoccupations tout autres, que celle de l'expression cinématographique, mais qui a quelque chose à dire. Nous partons de la motivation, et non pas de la technique d'acteur ou autre. Et alors, partant de là, nous pensons qu'il est possible de faire un film où le scénario est fait par la population, où le tournage, quel que soit le côté de la caméra, derrière ou devant, sera fait aussi par la population. Qui vient d'un endroit, a sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa cuisine, c'est très important, a ses habitudes, sa langue, qui est encore la chose capitale, qu'il emporte avec lui, et une fois arrivé ici en France, à ce moment-là, il se trouve dans une autre culture. Alors de là, la confrontation des deux engendre, avec beaucoup d'autres choses bien entendu, le racisme entre autres. Et alors, nous avons voulu, nous essayons de montrer ces gens qui partent d'une culture, qui la perdent en quelque sorte, puisqu'ils en perdent des racines, et une plante sans racines meurt, et qui s'en vont vers une autre culture, mais qui n'atteignent jamais. C'est-à-dire que s'ils sont turcs, et ils ne sont plus tout à fait turcs, mais ils ne sont pas français non plus. Pour chacun de leurs sujets, d'une identité qu'ils ont perdue, étant donné qu'elle n'appartient ni à une culture ni à une autre. Alors, cette identité, c'est le travail qui va leur donner, c'est la civilisation industrielle, c'est, dans le cas de Montbéliard, Peugeot. Donc, ils vont rentrer dans une espèce d'identité un peu orthopédique, en quelque sorte, qui est celle de la civilisation industrielle, et dans laquelle ils vont devenir marchandises, fabricants de la marchandise, l'homme et l'objet se fascinant l'un l'autre, jusqu'à à tout ce qui peut résulter, je ne sais pas encore, ça va dépendre de l'imagination des gens qui travaillent. Thank you.